De loin, on voit la démarcation quand même. Ouais, je vois la démarcation aussi, mais c'est un autre. C'est une autre matière. Ah, en fait, c'est enfin, le filtre qui a été appliqué qui nous fait faire le bug. Chose où je peux moi me brancher.